Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 25 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition. Les commerçants exerçant au marché Bujumbura City Market d'Ichet Sion sont en grève pour deux jours depuis ce mardi. Ils protestent contre la hausse des frais de location des échoppes. Et le président de la Commission nationale chargée de la mise en place de ses organes dirigeants annonce les élections générales pour la période du 19 au 27 février 2022. Ce sera de la colline au niveau national. Et le reportage du jour concerne le développement de la province de Gitega depuis qu'elle a été désignée capitale politique du pays. Francine Ndihokungayo y a été pour nous. Et dans la chronique santé, l'on parlera du traitement de la dépression. Voilà pour le sommet. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Les élections des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Burundi sont prévues du 19 au 27 février 2022 du niveau collinaire jusqu'au niveau national, annonce ce mardi du président de la Commission nationale chargée de la mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse. Et c'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Honorable Tassien Garungu fait savoir que les candidats doivent être de nationalité burundaise, ayant l'âge compris entre 19 et 40 ans. Suivez-le. Et les organes seront organisés de la manière suivante. Au moment où chaque colline sera représentée par un seul individu, la commune et la province seront respectivement représentées par trois personnes, dont un président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, son vice et son secrétaire. Au niveau national, le conseil sera dirigé par trois individus, dont un président, son vice et son secrétaire. Les élections se feront comme suit. Au niveau de chaque colline, sera élu un seul individu qui, à son tour, sera un électeur des organes du Conseil national de la jeunesse du Burundi dans la commune. Les élus communaux seront des électeurs au niveau de la province et les élus provinciaux seront à leur retour des électeurs au niveau national. Le calendrier électoral est le suivant. Au niveau des collines, les élections auront lieu le 19 février 2022. Au niveau des communes, les élections auront lieu le 20 février 2022. Et au niveau des provinces, les élections auront lieu le 26 février 2022. Tandis qu'au niveau national, les élections auront lieu le 27 février 2022. Les conditions requises pour se faire élire sont être de nationalité burundaise, être natif ou résident de la colline ou quartier, de la commune et de la province. Avoir l'âge compris entre 18 et 40 ans. Avoir terminé la classe de la 9e pour les candidats au niveau des collines. Avoir terminé l'enseignement secondaire pour les candidats au niveau de la commune et au niveau de la province. Avoir terminé l'université pour les candidats au poste national. Et dans les nouvelles de Provence, la direction provinciale de l'éducation à Bouvanza fait face à un manque criant de bons pupitres. La commune Guianga vient en tête pour le besoin de ces pupitres. Le directeur provincial de l'éducation, qui le dit, tranquillise toutefois et annonce que le ministère de l'éducation compte octroyer à cette province plus de 3000 bons pupitres pour cette année scolaire pour pallier ce manque. Claude Wadougaritse estime que ces pupitres ne sont pas suffisant. Toujours dans la province de Bubanza, les riziculteurs des plaines de Gihanga et Manda dans cette province de Bubanza se plaignent du manque d'engrais chimiques et certaines plantules de riz commencent à être endommagées. Ces riziculteurs doutent des récoltes qu'ils vont avoir si rien n'est fait pour sauver ce qui peut l'être encore. À la direction provinciale en charge de l'agriculture à Bubanza, on tranquillise et on précise que les premiers lots d'engrais sont déjà arrivés dans les communes à partir de ce lundi. Manque d'hôpitaux suffisants dotés de services modernes de néonatologie et pouvant pratiquer la césarienne en cas de besoin en province Rumonge. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, l'a dit ce lundi lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la semaine mère-enfant. Pour lui, l'hôpital de district sanitaire de Bugarama devrait être doté d'un service moderne pouvant pratiquer la césarienne. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire à la technique, on m'a fait signe que le Claude Vadougaritse. On peut écouter Claude Vadougaritse, c'est le directeur provincial de l'éducation qui tranquillise la population de Ouanzan en annonçant que le ministère va octroyer à cette province plus de 3000 bancs pupitres. Il y a quand même un besoin très criant des matériels didactiques et des bancs pupitres. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction provinciale de Ouanzan, comme même dans d'autres provinces, donc 10 pays, il s'observe un manque criant des bancs pupitres, mais le gouvernement n'a pas croisé les bras. Parce qu'au cours de cette année scolaire, le gouvernement va octroyer des lots de bancs pupitres au niveau de la direction provinciale de Ouanzan. Le premier lot est constitué de 1064 bancs pupitres et le deuxième lot est constitué de 2819 bancs pupitres. C'est-à-dire qu'une fois ces bancs seront disponibles, on trouvera quand même une solution à ce manque de bancs pupitres. Mais pas totalement, du fait que nous avons besoin de beaucoup de bancs pupitres dans la direction provinciale de Ouanzan, même aussi pour le cas des matériels didactiques, surtout dans les classes de 3e, 4e, 5e et 6e année. Il s'observe quand même un manque considérable de matériel didactique. Et qu'est-ce qui explique ce besoin en matériel didactique ainsi que les bancs de... Et ce besoin s'explique par la démographie galopante. Quand même, c'est ce qu'on ne peut pas quand même nier. Donc, dans le pays, mais aussi dans la province de Ouanzan, il y a quand même une démographie galopante et chaque élève a droit à l'éducation. Donc on ne peut pas le priver de ses droits. On est obligé d'accueillir tous les apprenants. Et du fait de cette démographie galopante, c'est pour cette raison qu'il s'observe un manque criant des fois des bancs pupitres et des supports pédagogiques. Les communes qui sont plus nécessiteuses par rapport aux autres, en matière de bancs pupitres, c'est dans la commune de Gihanga, et en deuxième lieu la commune de Musigati, en troisième lieu la commune de Lugazi, et enfin la commune de Ouanzan. Et fort étonnant, cette situation s'observe au centre de la commune de Ouanzan. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin créant des bancs pupitres, mais ce besoin donc, n'est pas le même donc, dans des différentes communes. Il y a aussi le manque criant de support pédagogique ou bien du matériel didactique presque dans toutes les communes. C'était le directeur provincial de l'éducation en province de Ouanzan. Et les travaux de réhabilitation des rives de la rivière Gassegni détruites auront lieu si les moyens financiers sont disponibles. C'est Vincent Bakirenzo Issaba, directeur général de l'Agence burundaise pour la réalisation des travaux d'intérêt public, Aboutip, qui le dit, expliquant que ces rives ont été détruites par de grosses pierres venues de la partie en amont non construite de cette rivière Gassegni. À cette situation, on a tenu une réunion avec les partenaires, surtout la Banque mondiale et l'Union européenne. Ces deux partenaires ont accepté, ont promis de financer les travaux d'urgence. Dans ce financement, ils ont promis qu'on puisse construire la rivière Gassegni en aval et en amont. Il en est de même le passage, les caniveaux qui passent à Charama jusqu'à Kinyangongé et même qui devraient arriver au lac Tanganyika. C'est la Banque mondiale qui a honoré ses engagements, qui a financé la construction en aval. L'Union européenne avait promis de contribuer elle aussi pour la construction en amont, mais malheureusement n'a pas pu répondre suite aux événements de 2015 où l'Union européenne a arrêté tout financement envers notre pays. Raison pour laquelle tout ce qu'on a construit a subi des destructions parce qu'il y avait des grosses pierres qui, en provenance de Bujumbura, communément qu'on appelle Rirar, des arbres qui viennent détruire les constructions qu'on avait faites en aval. Le projet, d'une manière globale, c'était 25 millions de dollars. Mais ces 25 millions n'étaient pas affectés aux infrastructures. Pour les infrastructures, c'était prévu 9 millions de dollars. C'est ce que la boutique a utilisé en construisant les canaux de Gassegni en aval et les caniveaux à Kinyangongé et à Charama. Comme je le disais, on a toujours plaidé au niveau des bailleurs, au niveau de la Banque mondiale. Nous espérons qu'ils vont financer les travaux qui restent. Comme ça, on va construire en aval et aussi réhabiliter les infrastructures qui ont été endommagées. C'était Vincent Bakirenzo Issaba, directeur général de la Boutip. Une femme dit être en train d'être malmenée à travers l'interdiction de bâtir dans sa parcelle se trouvant au quartier asiatique en mairie de Bujumbura. Marie-Rose Rukohoza affirme qu'elle a tous les documents exigés lui autorisant d'exploiter cet espace. Mais l'administration la perturbe dans ses travaux de construction qui lui ont déjà coûté près de 5 milliards de francs burundais, dit-elle. L'administrateur communal de Mukaza explique qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour conclure sur le sort de cette parcelle et d'autres maisons en face. À la source, reportage. Je vous l'avais dit dans les titres, la province de Gitega, désignée capitale politique du Burundi depuis bientôt 3 ans, affiche un bilan non négligeable aujourd'hui par rapport à ses réalisations en termes de développement de la ville. De plus, certaines infrastructures donnent actuellement une autre image de Gitega selon le gouverneur de cette province. Même les commerçants de Gitega témoignent que leur vie commence à changer. Le gouverneur Venama Nilambona indique que le schéma directeur de développement de la province de Gitega a déjà été étudié et attend d'être signé. C'est Francine Ndihokugayo qui s'est rendue à Gitega. Et les deux retours. Reportage. La loi désignant la province de Gitega comme capitale politique du Burundi a été signée par le président de la République le 4 février 2019. Des changements ont été observés depuis cette période, comme le souligne Venant Manirambona, gouverneur de cette province, ajoutant que beaucoup de travaux ont été déjà exécutés pour développer cette capitale politique. La première chose qui est la plus importante, c'est le schéma directeur qui a été étudié et qui bientôt, il y a un document qui sera signé par son Excellence le Président de la République et qui va nous orienter sur comment la ville de Gitega, qui abrite la capitale politique, sera bien construite, bien aménagée pour que la ville soit considérée comme d'autres villes des pays développés. Ça va permettre les services de l'administration et les services techniques de pouvoir organiser les activités au niveau de la ville et surtout les constructions pour que ce soit une ville digne de la capitale politique. D'autres réalisations est qu'il y a certains services qui sont disponibles ici à Gitega, qui étaient basés à Bujumbura, à commencer par le Sénat du Burundi et après c'est la RTMB qui a pris la deuxième place, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, qui est venu en troisième position. Il y a d'autres services qui sont venus, comme le service des finances communales au sein du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la sécurité publique, qui est déjà disponible ici à Gitega, et d'autres services qui bientôt vont monter. Puisque vous savez qu'une capitale ne peut pas s'organiser en une journée, et ça prend du temps. D'autres activités ont été réalisées en termes d'infrastructures socio-économiques. Le gouverneur Venant Manirambona parle de la construction d'hôtels et maisons de conférence et des routes bitumées qui faciliteront la communication avec d'autres provinces. De quoi faire le bonheur des habitants de la province et particulièrement ceux exerçant des activités commerciales. On voit des maisons réhabilitées, on voit le développement sur une grande allure. Ça nous aide beaucoup car le développement nous arrive à tous. Nous nous réjouissons de voir les touristes visiter notre province et y faire des achats. Voilà, Probox, je suis chauffeur de véhicule Probox. Nous, les transporteurs, on a beaucoup de passagers qui participent dans des ateliers et séminaires dans notre province et on gagne beaucoup. Il y a un grand mouvement, beaucoup de ministères auxquels on n'était pas habitué à voir. Les visiteurs de la province, eux aussi, témoignent du changement remarquable dans la capitale politique Gitega. Le grand problème évoqué, le manque de moyens de transport interurbain. Merci Francine Ndihokugayo. Je vous l'avais dit dans les titres, les commerçants du marché de Bujumbura City Market dit chez Sion suspendu les activités pour 2 jours à partir de ce mardi. Ils protestent contre la mesure de hausse des frais de location des échoppes. À titre d'exemple, un magasin qui était loué à plus ou moins 400 000 francs sera loué à un montant avoisinant 700 000 francs burundais. Les responsables du marché promettent de s'exprimer ultérieurement. Obanyongou. Que ce soit pour les magasins en dur, les stands dans les hangars, ces commerçants du marché Bujumbura City Market se plaignent de la hausse des frais de location. Il donne les exemples des échoppes jadis louées à 90 000, mais dont les frais de location s'élèvent désormais à 153 000 francs, tandis que pour les magasins qui étaient loués à 130 000 francs, les frais de location seront désormais 163 000, voire 180 000 francs. Ce mardi, certains commerçants s'étaient rendus au lieu de travail, mais n'ont pas presté. Ils protestent contre cette mesure. Les frais de location ont presque été revus à la hausse, au double. Nous avons suspendu les activités parce qu'il n'a pas voulu qu'on puisse dialoguer. Vous comprendrez que la hausse des frais de location à 80%, c'est énorme. Il fallait au moins revoir à la hausse ces frais, mais à un niveau un peu bas, de 70 000 à 120 000 francs burundais, c'est trop. Les autres commerçants demandent qu'il leur soit autorisé de se choisir des représentants qui pourront être des intermédiaires entre eux et leur patron. La mesure de hausse des frais de location leur a été notifiée depuis le mois de novembre dernier. Elle est affichée sur les portes de certains magasins. Les responsables du marché promettent de s'exprimer ultérieurement. C'était un reportage de Ben Niyonkuru et un coup d'œil à l'étranger avant la chronique santé qui parlera de la dépression, du traitement de la dépression. Kigali. Le gouvernement rwandais reconnaît des abus dans l'application de la politique vaccinale. Depuis un mois, Kigali a durci les mesures d'incitation à la vaccination. Sans certificat, impossible de travailler dans le service public, de se rendre dans les restaurants et les lieux de culte et même d'emprunter les transports en commun. Parallèlement, écrit nos confrères de RFI, des personnes assurent avoir été vaccinées de force. Et une bousculade autour du stade de Lembe à Yaoundé survenue avant le match Cameroun-Comorière, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2022, a fait au moins 8 morts, dont un enfant de 6 ans. D'après un communiqué de l'hôpital le plus proche du stade, la Confédération africaine de football CAF, qui organise la compétition phare du continent, a publié un communiqué indiquant qu'elle avait demandé une enquête et restait en communication constante avec le gouvernement camerounais et le comité local d'organisation. Radio Isanganiro, chronique santé. Le traitement de la dépression dépend de l'état du patient. La psychologue clinicienne Constance Inabazezwa précise que le patient peut être suivi par un psychologue ou soigné par un psychiatre. Éviter de mauvaises pensées, c'est l'un des moyens de se prévenir contre la dépression. Elle interpelle les membres de sa famille de le suivre et de le conduire au centre de prise en charge le plus tôt possible si on remarque qu'il affiche un changement d'humeur depuis 2 semaines. Ornella Mucho. La dépression peut être traitée avec l'aide des psychologues cliniciens. Constance Inabadezwa, psychologue clinicien, précise toutefois que le traitement peut être médicamenteux. On peut lui administrer des médicaments avec une prise en charge psychologique, donc des psychothérapies d'accompagnement, psychothérapies de soutien. Vous comprenez qu'avec les médicaments, ce ne sont pas les psychologues, ce sont les médecins, donc les médecins psychiatres qui administrent ces médicaments-là. Alors les psychologues vont faire cette prise en charge psychologique avec des psychothérapies de soutien, d'accompagnement, psychothérapie motivationnelle. On fait d'abord une psychothérapie avec quelqu'un qui peut s'ouvrir, qui communique avec toi, qui accepte aussi d'être aidé. Une dépression sévère est traitée en premier lieu par les médicaments, selon toujours Constance Inabadezwa. Avec un déprimé qui ne communique pas, ce sont les médicaments qui agissent, qui doivent l'aider à le retirer de l'état-là, l'état de s'isoler. On essaie de suivre la personne pour attendre le moment opportun pour qu'il puisse communiquer et s'exprimer verbalement les problèmes qu'elle a vécu. Et conseille les gens d'éviter d'entretenir des pensées négatives. Toutefois, il est toujours recommandé de consulter les médecins. Il faut aider la société. Parce qu'on tombe malade au moment où on vit dans une société quelconque. Je dirais qu'il faut faire un environnement sain. Par exemple, chez nous, ça peut arriver qu'il y a des problèmes de sorcellerie, par exemple. Ça, c'est un phénomène qui est souvent observé dans certaines régions. Ça peut arriver que tu deviens persécuté en t'accusant d'être une sorcière, alors que ce n'est pas vrai. C'est ce que je disais, qu'il faut soigner la société. Donc, changer les idées des gens, aider à ce que les gens mènent une bonne cohabitation.